Éternel, mon cœur n'est point orgueilleux. Mes yeux ne s'élèvent pas avec arrogance. Je ne poursuis pas des choses trop grandes, ni des merveilles au-dessus de ma connaissance. Oui, j'ai calmé, apaisé mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré, en paix dans la douceur de ton mystère. Israël, mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Dès maintenant et à toujours. Espère en l'Éternel.